Activité 4, page 121. Piste 95. A. Pauline va voyager en France. B. Il voyage en Suisse avec sa mère. C. Nous allons passer en vacances en Égypte. D. Ils prennent l'avion pour aller en Iran.